huitième jour de novembre, avec leur camion bourré d'hommes, les Black Anthem ferraille à vendre, vinrent en force nous pourfendre jusqu'à la ville de Macron. Tiens, vois ça. Quelle heure est-il? Je sais pas, demande-lui. Ma montre est arrêtée. Mais tous les gars de oh, la ferme, la fouine va appliquer. Qui c'est? L'officier supérieur. Ça, un officier supérieur, eh ben de mon temps, un titre comme ça, on n'aurait même pas voulu comme planton. Lâche-nous avec ton temps. C'est de l'histoire ancienne. Oh, Leslie. Un petit coup dans votre bière, Miss Gilchrist. Alors ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Avec plaisir, Monsieur Pat. Dis donc, qu'est-ce qu'elle pompe, l'enfant de Marie? Qu'a-t-il décrit sur cette bouteille? 2069. Qu'est-ce que c'est? C'est le numéro de téléphone du pape. Ah, ça m'étonne pas des catholiques. Si vous aviez un général comme nous... Ah ben justement, moi qui vous parle, Eh ben j'ai été capitaine dans la résistance. Capitaine? Parfaitement. J'ai eu l'honneur de servir à la tête d'un bataillon compagnie E, brigade de Dublin. Voilà, c'est là que le général était général en chef. Qu'est-ce que c'est, compagnie E? Vous connaissez A, B, C, D? Ah ben cette question... E, c'est juste après. Ça doit être merveilleux d'être capitaine. Bon, alors, est-ce que je peux la raconter, mon histoire? Ben ça, pour l'empêcher, il faudrait se lever de bonne heure. Bon, écoute ça, Leslie. Ça se passait dans Russell Street. Ah non, ça c'est mon histoire et je vais déjà raconter. Alors, monsieur Pat, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez capitaine? Ce qui s'est passé? Mais c'est que j'ai perdu ma jambe à Mullingar. Tiens, la dernière fois, c'était à Cork. Non, c'était à Mullingar. C'est peut-être une autre jambe. Tu m'as toujours dit Cork. Mullingar, pendant la guerre civile. Quelle bataille, Dieu de Dieu. 3 jours et 3 nuits, sans une seconde pour bouffer. Alors c'est là que vous avez laissé votre jambe gauche? Mais c'est pas sa jambe gauche, c'est son pied droit. C'est pas reconnaître votre droite de votre gauche. Comment vous faites pour faire votre signe de croix? Dans ma religion, c'est pas avec les pieds qu'on le fait. Bon, alors, donc, la bataille allait son train. Sauvage, meurtrière, une boucherie. On ne marchait que dans les tripes et dans le poumon. Non, parce qu'il faut vous dire qu'en face, vous, les Anglais, vous aviez des canons et des mortiers, et puis nous, seulement des carabines. Des automitrailleuses contre des chariots de paille. La ville, n'en parlons plus, elle n'était que cendre et poussière. Les cadavres entassés pêle-mêle dans les plaines. Bah, heureusement que tu m'avais dit qu'il n'y avait eu qu'un seul mort. Moi, j'ai dit ça. Oui, même que c'était un arpenteur des ponts et chaussées qui était tout bonnement en train de mesurer la route. Mensonge. Tu m'as pas dit que les deux armées s'étaient disputées son corps et que les gars lui avaient élevé un monument chacun de leur côté et que ce type-là, c'était seul du pays à pas faire de politique et que les gars ont dit que ça lui ferait les pieds et que ça le guérirait du neutralisme. Mais c'est fini, non? Mais si le roi des menteurs était mort, tu serais orphelin. Mais enfin, j'ai perdu ma jambe, non? Alors, et votre malheureux pied gauche, comment l'avez-vous perdu? Moi, j'en sais rien de son pied. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'en sert plus. Comme ça, c'est une bonne excuse pour rien foutre. C'est peut-être un rhumatisme. C'est des varices. Des varices? Oui, parfaitement, des varices. Mais des varices, c'est pauvre gourde. C'est querelle d'amoureux. Oh, vous, on vous a pas sonné, hein? Oui, bon, ben, de toute façon, j'ai laissé quelque chose, hein? C'est pas ces petites fouines avec leur impère et leur brassard anti-alcoolique qui vont venir ici maintenant me casser les pieds. Comment vous les casserait-il puisque vous n'en avez plus? Oh Dieu, foutez-moi la paix, vous aussi. Les bonnes femmes, c'est bien toutes les mêmes, là, toujours du côté des uniformes. Que voulez-vous, monsieur Pat? Ce sont des jeunes gens. Enfin, ils défendent leur idéal. Voilà. Et c'est ça qu'il ne peut pas encaisser, maintenant qu'il est vieux et foutu. Qu'est-ce que je peux pas encaisser? Les jeunes. Tu ne peux pas les empêcher d'avoir leur grande manœuvre. Leurs fusils, leurs blessures de guerre, leurs dernières paroles et leur mort au champ d'honneur. Ils y ont droit autant que toi. Dis donc, mais j'ai jamais dit le contraire. Si, t'arrêtes pas. Oui, en effet, il me semble bien vous avoir entendu. Ça va, la môme, hein? Bon. Oh. T'as été jeune, non? Mais maintenant, c'est leur tour. Voilà comment on me parle à moi. Un vétéran de l'armée républicaine. En tout cas, j'ai jamais été volé à un type à la frontière pour le descendre après. Alors ça, ça me fait vomir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'occupe pas, ronfle. Rien de tel qu'un général et 2-3 coups de fusil pour meubler une soirée pluvieuse. Pendant ce temps-là, on pense pas au prix de la vie. Sans compter les années que j'ai passées en tôle. Hein? C'est peut-être pas vrai, ça non plus. Ah, ça, c'est vraiment la seule université où il ait jamais mis les pieds. Je ne comprends pas que vous parliez tout le temps de ses pieds. Tu veux que je te dise ce que t'es devenu? T'es devenu la bonne à tout faire des républicains. Vas-y, insulte un pauvre infirme. Moi qui t'ai tiré du ruisseau par amour. Par amour? Oui, par amour. Un dimanche matin, quand il n'y avait pas un pub d'ouvert. T'as jamais eu deux amours dans ta vie, toi? L'Irlande. Et les allocations de chômage. Alors pourquoi tu es resté si longtemps avec moi? Dieu sait. Moi, je sais pas. Dieu sait. Ouais. Je n'ai pas de mère à qui briser le cœur. Je n'ai pas de père pour prendre ma place. Je n'ai qu'un ami et c'est une fille. Et elle donnerait sa vie au Mac Caffery. Oh, dis donc, hein, si tu veux chanter quelque chose, chante quelque chose de plus gay. Je connais rien de plus gay. Bon, ben alors ferme ta gueule. Pauvre agneau, oh douleur. Il chante, lui, l'exilé. Et les bêtes l'entendent dans la forêt. C'est une rose blanche aux épines de bois. Il chante. C'est un cercueil qu'on cloue en grand secret. Oh, conne, oh, conne. Qu'est-ce que c'est, ça, comme charabia? Bon, c'est de l'italien. Allez, taisez-moi un peu, vieille chouette. Et venez boire un coup, là. Moi aussi, je sais ce que c'est que l'exil. Ah. Je ne suis pas de Dublin. Ah, bah, c'est déjà un bon point pour Dublin, ça. Non. Dans mon pays, je tenais une maison. Non, mais c'est sûr. Mais dans un quartier respectable. Nous recevions que des séminaristes. Charmant, oui, charmant garçon. Oui, autrement sérieux que les étudiants en médecine. Ah oui, parce que cela, ils pencheraient plutôt pour le biberon, hein. Les miens penchaient pour la théologie. J'étais heureuse dans cette maison, jamais une grossièreté, jamais un mot plus haut que l'autre. C'était le temps du rossignol. Mais pourquoi que vous les avez quittés, vos petits curés? Les anges aussi ont leurs caprices. Oh, ils n'étaient pas contents de la bouffe. La vie a des saisons amères. Oh bon, faut pas pleurer, Miss Gilchrist. Allez, un petit coup. Allez, le dernier. Merci, dernier. Monsieur Patrick. Que Dieu vous multiplie. Ah. Donc, est-ce qu'elle consomme la capote? Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant dans l'armée? Après ça, je me suis consacrée aux bonnes œuvres. Le véritable redressement du pécheur. Le Seigneur a dit, tout infirme a le droit de marcher à sa manière. À condition qu'il marche droit, qu'il ne pousse pas à la grève et ne dise pas du mal du général Franco. Voilà mon principe. Quel programme. Et dites-moi, l'autre tordu du deuxième étage, là, qu'est-ce qu'il a comme principe? Vous voulez parler de monsieur Mulledy? Oui, monsieur Mulledy, oui. Lui, c'est un fonctionnaire. Ah, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, les repris de justice. Et j'ai lutté pour sauver son âme. Ensemble, nous avons combattu le démon. Mais si je reste ici, c'est que l'âme de ce jeune garçon m'intéresse davantage. J'aime toutes les âmes. Aimez votre prochain, c'est la loi du Seigneur. Le juste et le vilain, aimez-les d'un seul cœur. J'aime le tendre agneau, les enfants angéliques, les amis des oiseaux, les obsédés sexuels, la vaillante orpheline, la fervente au grand cœur, Sainte Jeanne, Sainte Catherine, l'aveugle et son banjo, l'innocente pucelle, Rudolf Valentino, les laveurs de vaisselle, un poète au printemps, une veuve en hiver, un bon vieux mendiant, tout le sel de la terre. Aimez votre prochain, c'est la loi du Seigneur, le juste et le vilain. Aimez-les d'un seul trop jeune pour vous. Je suis pure comme la neige qu'emporte le vent. Il n'a pas soufflé fort, le vent. Buvez un petit coup, allez. Je vous vois venir, vous savez. Je suis pas si bête que vous croyez. Je sais bien que vous allez me descendre, en fin de compte. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas à toi qu'on en veut. Ça remonte plus loin que ça, mon pauvre. Ça remonte à la Victoria, alors. Je la connais même pas, celle-là. Ouais, ben moi, je pourrais t'en raconter long sur son compte. Vous l'avez connue, monsieur Pat, la Victoria. C'était une grande reine, n'est-ce pas? Non, une grosse. Vous savez ce qu'elle a fait pendant la guerre civile, en pleine famine, quand les gens d'ici crevaient de faim comme des mouches? Elle a envoyé un mandat de 5 livres à la caisse des affamés. Et pour bien montrer ce qu'elle en pensait, par le même courrier, elle a envoyé 10 livres au foyer des chiens malades. Pauvre bête. Ouais. Voilà ce qu'elle a fait à Victoria. Je peux vous poser une question, dame à homme? Eh oui. Pourquoi on m'a pas dit ce qu'on voulait faire de moi quand on m'a ramassé? T'as rien dit? Non. Tu sais pas que c'est la guerre dans le nord de l'Irlande? Des soldats, hein? On t'a fait prisonnier. Bon, alors dans ce cas-là, je suis prisonnier de guerre? Ouais. Et alors depuis quand on fusille les prisonniers de guerre? Bah, tu te parles de le fusiller. Et le journal, vous l'avez pas lu? C'est du bluff tout ça. Mais vous n'êtes pas mal ici, vous avez le confort. J'ai même une petite amie pour le ravitailler. Oui, ce qui vous manque en somme, c'est un directeur de conscience. Quelqu'un qui sache trouver le chemin de votre âme. Si le gars de Belfast y passe demain matin... Écoute, c'est du bluff, je te dis, c'est de la propagande. Tout ce qu'ils veulent, c'est de te garder ici 2 ou 3 jours après. Ils y regarderont peut-être à 2 fois, les Anglais. Maintenant qu'on t'a comme otage avant de passer l'autre à la trappe. Parce que s'il y passe demain matin à 8h, ben à 8h05, c'est toi qui fais le voyage, mon petit gars. Ouais, tais-toi donc, idiot. Si vous croyez que le soldat Leslie Alan Williams intéresse le gouvernement britannique... Je vois d'ici les députés dans leur club du West End. Un mouchoir sur les yeux et des larmes qui dégoulinent dans leur whisky. Je vois d'ici le ministre de la guerre réveillant sa bonne femme en pleine nuit pour lui dire... Isabelle Cynthia, c'est affreux. Je ne peux pas fermer l'œil quand je pense à ce pauvre Leslie Alan Williams. Pauvre garçon. J'espère bien qu'on publiera son histoire dans un magazine. Enfin, sans parler de la télévision. Quand ils auront fini les amours célèbres. Parce que cette semaine, vous savez... Garde à vous! Proclamation à toutes les armées! Soldats! Dans quelques heures, un soleil sanglant se lèvera sur votre patrie. Une fois encore, démons du Wicklow, au grand désert de l'Ouest, l'Irlande portera le deuil d'un de ses fils. Demain, à 8h, tous les cœurs s'arrêteront de battre quand il montera les marches du gibet. À 8h01, je jouerai la marche funèbre dans la cour. Pour escorter son âme. Les temps sont proches où nous vengerons tous ceux qui sont tombés pour la liberté de la République. Repos. On m'avait toujours dit que les Irlandais étaient un peu cinglés, mais cette fois, ça dépasse tout. Toi, bouge pas de là ou ça va chauffer. Attends, la mitraille, pousse-toi, pousse-toi. Toi, l'Anglais, je vais te faire voir un truc. Il n'a pas de mère à qui briser le cœur. Il n'a pas de père pour prendre sa place. Il n'a qu'un ami et c'est une fille qui donnerait sa vie pour ma café. Oui. Ah, tu vois, j'ai fait un rond autour de toi, comme qui dirait le cercle de famille. Si t'en sors, t'es un homme mort, hein? Compris? Quelle histoire! Mais je sortais d'un bal! Mais rentre! Je sortais d'un bal. Deux types qui me croisent. Je me retourne. Qu'est-ce que vous voulez, je leur dis? Des renseignements qui me disent. Oh ben des renseignements, j'en ai pas, moi. À part mon nom, mon matricule et puis l'adresse des filles de la cantine. C'est ça qu'on veut qu'ils me répondent. Et ils me poussent dans leur bagnole. Non, mais je leur dis, qu'est-ce qui vous prend? T'en fais pas qu'ils me répondent, on t'emmène à Dublin. Il y a notre intelligence service qui veut te causer. Je les attends toujours. Demain matin, ils vont venir te poser des questions. Mes dernières volontés, je suppose. Il n'a pas de mère. Oh, la barbe! Elle va continuer longtemps à nous délabrer le moral, la chouette! Allez, Pat, occupe-toi d'elle. Allez, bibiche, dans le rond. Oh, mais ne me touchez pas, monsieur Pat, sachez que j'ai pris des leçons de chant avec un professeur d'élocution. C'est encore quelque chose de propre, ça. Eh ben, vas-y. Oh. Une seconde, hein, seulement. Laissez-moi, je vais mourir tranquille. Sous la table. Et alors? Qu'est-ce que tu vois? Je veux des bouteilles? Oui, elles sont vides. Et alors? J'ai une de ces soifs, moi. Un bébé en pleurerait. Et moi, j'en pleure déjà. Alors, les bouteilles sont vides et t'as mon soif. Et alors? Tu trouves ça normal? Et alors? Et alors? Et alors, lève-toi et marche, dit l'évangile. Prends ces bouteilles et va en acheter d'autres chez le marchand de frites au coin de la rue. S'il est fermé, il y a une chance à cette heure-ci. Tu prends la deuxième à droite. Il y en aura peut-être un autre d'ouvert. Eh ben, j'ai dit peut-être. T'as compris? On la barbe, hein, faire les commissions. Oh non, c'est... Allez. Hey, où tu crois que tu vas comme ça? Il m'avait dit que je pouvais. Enfin, vous voyez pas qu'il foutait le camp? Heureusement que j'ai l'œil. Ah, t'es génial. Alors, t'as l'œil, eh ben, et dans le cerveau aussi. Ah, mais ne me touchez pas! Non, mais c'est pas régulier! C'est pas mal, votre coup de la bière, hein? À peine arrivé dehors, je me retrouvais avec une balle dans la tête. Ou ben, moi, je vous montrerai qu'un Anglais, ça peut mourir aussi bien qu'un Irlandais. Ou que n'importe qui d'autre au monde. Pauvre pomme. Arrête de toujours parler de la mort. Encore au moins 50 ans devant toi. À moins qu'une bombe atomique nous tombe sur la tête. Allez, assieds-toi, va. Et puis t'occupe pas des autres. Assieds-toi et fais pas attention à eux. Ouais. Tiens, il y a beaucoup de mousse. Tiens, tu veux pas être gentil? J'aime bien, vous savez. Et puis je me suis bien amusé ici. Puis moi, jusqu'à cette nuit, j'aimais bien l'Irlande. Quand les yeux irlandais sont heureux, c'est comme un matin de printemps. Dans l'éclat d'un rire irlandais, on peut entendre chanter les anges. On peut entendre chanter les anges. Quand sourient les yeux de mon Irlandaise. Puisque vous êtes si bonne, Dame Meg, vous pourriez peut-être me dire pourquoi on veut me liquider. Ah, parce que... t'as voté pour le mauvais cheval. Encore 3 ans avant que j'ai le droit de voter. Alors ça t'apprendra à mettre le nez dans nos affaires. Mais quelles affaires? Qu'est-ce que j'en sais, moi, de l'Irlande, de Chypre, du Kenya, de la Jordanie, puis de tous ces coins-là? Tu vas pas tarder à comprendre avec une balle dans la nuque. Il n'y aura de balles dans la nuque de personne. D'abord, on n'aurait jamais dû l'amener ici. Ça pouvait vous attirer des ennuis. Alors, ça, j'ai passé mon temps à le dire, ça n'est pas légal. Oh, monsieur Mulady. Ah, oui. Venez, venez. Ils sont en train de fricoter, là. Ah, je sais pas, mais ça doit pas être un goûton. Qu'est-ce que vous êtes en train de fricoter, là-bas? Il s'agit d'un pacte. Parfaitement. D'un pacte. Eustache. Que faites-vous avec ces personnes? Donc c'est à moi que vous parlez, Miss Greenfield? Alors ça, c'est nouveau, hein? Depuis que vous intéressez à l'âme de ce jeune garçon, celle d'un modeste fonctionnaire n'a plus d'intérêt pour vous. Et que vous est-il arrivé? Je ne serai plus un jouet entre vos mains, vous comprenez? Comprenez-vous? Et puis pour ceux qui n'auraient pas compris, mes amis et moi, nous allons chanter notre chanson antique, n'est-ce pas? Oui, t'entends. Blanche? Oui. Oh, qu'il est chaud. Monsieur Alfred, la note. Non, pas celle-là, une autre. Consacrata. Ah, non, la première. Dans son bain dur, se frottait la panse et se raclait la nuque. Il frottait par devant, il raclait par derrière, il fumait de partout, grand-papa, buvons la ciguë. Grand-papa, buvons la ciguë. Grand-papa, buvons la ciguë. La ciguë, grand-papa, grand-papa, buvons la ciguë. Miaou. Quand Shakespeare a son doux mignon, tournait à sonnet par quel boulire on ne savait jamais. Il guignait par devant, il tournait par derrière, il sonnait en tous sens, en tous sens. C'est nous Juliette et Roméo. C'est nous Juliette et Roméo. C'est nous Juliette et Roméo. Roméo et Juliette. C'est nous Juliette et Roméo. Miaou. Venez, ce n'est pas un spectacle pour la paix, ça nous a encore fait de la peine. Encore une fois. Ça va, on te laisse une chance. Allez, venez, armée. Allez. Leslie. Mais. Ce n'est qu'une minute pour te parler. Tu peux bien te dépêcher parce que pour parler avec une balle dans la tête, ce ne sera pas commun. Dis pas des choses pareilles. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Je suis venue voir si tu voulais du thé. Merci, je viens de m'enfiler un tonneau de bière. Alors je m'en vais. Attends. Je voudrais d'abord te dire une chose. Je peux pas t'imaginer que tu m'aies eu comme un imbécile. Hein. Le thé, la bière, c'est bien beau tout ça, mais ça a pas pris. Tu m'as même donné ça, en prime. Leslie. Tiens, regarde un peu par là, tu vois le type qui est au coin de la rue? Et l'autre à la porte en face? Il n'y a pas que les deux imbéciles à monter la garde autour de moi. Regarde un peu près du porche là-bas, les deux types qui font semblant d'être amoureux. Ça te connaît, ça, hein? Je ne faisais pas semblant! Comment veux-tu que je te croie, toi, et tes belles paroles? Mais ils veulent pas te faire de mal. Pat m'a dit lui-même qu'il voulait seulement t'interroger et faire peur aux Anglais à rapport au gars de Belfast. T'imagines qu'il va te dire la vérité à toi? Pas plus qu'à moi. Mais après tout, si vraiment tu t'intéressais tant que ça à moi, tu pourrais peut-être aller prévenir la police, non? Je suis pas une moucharde. Combien de temps il me reste? Quelle heure est-il? Il n'est pas encore 11 heures. Je viens d'entendre sonner le quart en ville. 11 heures. Chez nous, on commence à se réveiller. Les copains doivent être en train de sortir du bal. La friterie est encore ouverte. Je pourrais peut-être y aller. Des frites. T'aurais le cœur à bouffer des frites, toi, si tu savais que t'es foutu? Je pense toujours au type de Belfast, hein? Et moi alors? Moi qui suis là? Mais si vraiment j'étais sûre qu'il vous ferait quelque chose de mal, monsieur... Si t'étais sûre, mais je suis un otage, tu sais ce que ça veut dire? À quoi ça rime de prendre un otage si on n'a pas l'intention de lui régler son compte? Leslie, si vraiment ils viennent te chercher, appelle-moi. T'appeler? Mais tu t'imagines qu'ils me laisseront le temps? Mais Pat m'a dit que... Bon, attends, laisse-moi tranquille! Type de Belfast, on lui fiche la paix, lui au moins. Leslie, je ferai n'importe quoi pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Rien! me débrouillerai tout seul. Peut-être que de l'autre côté, je rencontrerai le type de Belfast. On pourra rire un bon coup tous les deux. L'officier va revenir. Faut mieux que je parte. Teresa? Je sais bien que je t'ai pas simplifié la vie, mais... Dis-moi au moins revoir comme il faut. Hmm? Dis-moi ça. Tu viendras me voir à Armagh? Oui, Leslie. Je voudrais te montrer tous mes copains. Ils ont tous des photos sur leur mur. Moi, j'en ai jamais eu. Mais je t'ai, toi, maintenant. Puis on ira à Belfast, hein? On s'amusera comme des fous, tous les deux. Ce serait merveilleux. J'ai droit à une permission de week-end. Je pourrais payer ma part. Oh, non, ce sera pas la peine. J'en ai assez pour deux. Les voilà. Qu'est-ce qu'elle faisait avec lui dans cette chambre? Ils couchent ensemble? Je ne m'occupe pas de leurs affaires, je ne m'occupe pas des vôtres. Oh, Leslie, qu'allez-vous devenir? Je ne sais rien, madame. Je vous ai apporté un petit cadeau. Hein? Elle est mignonne. Comment? Vous ne me reconnaissez donc pas, mais c'est moi. Bien coiffée. C'est vous, madame. Je crois que vous feriez bien de partir parce que ici, ça va chauffer dans pas longtemps. Que Dieu vous garde, Leslie. Que Dieu vous garde. Maintenant, reste à savoir si Teresa va aller trouver les flics. Oui ou non? La baraque est complètement cernée. Puis même si la mitraille est à moitié rétamée, il y a les autres dehors. Est-ce qu'ils vont me tirer dedans? Je crois bien que oui. Sûrement. Est-ce que Teresa va aller trouver les flics? Police secrète. Et c'est plus un secret pour personne. Leslie! Où est-il? Il était là il y a une minute. Mais où est-il? Le voilà. Mmh. Il est mort. Prenez sa plaque d'identité. Je ne savais pas qu'il était catholique. C'est moi qui lui ai donné cette médaille. Laissez-la lui. Couvrez-le. Leslie. En amour. Par en paix, mon amour. Pleure pas, Teresa. C'est la faute à personne. Personne n'avait l'intention de le tuer. Mais n'empêche qu'il est mort. Comme le garçon de Belfast. Oh. C'est pas la prison de Belfast ou les six comtés diamants qui vous ont jamais beaucoup tracassé, mais vos jeunesses perdues ou vos jambes estropiées. Qui est-ce? C'est votre otage. Il est mort. Il est mort en terre étrangère et chez lui, il n'avait personne. Je ne t'oublierai jamais, Leslie. Jamais. Jusqu'à la fin des temps. Les cloches noires de l'enfer tinte, tinte, tintinabule. Tous les diables de l'enfer tiennent leur conciliabule. Pour vous, braves gens, pas pour moi. J'en ai fini avec la terre, ses capitaines et ses rois. Si vous rencontrez mon notaire, buvez un coup à ma santé. Moi, je vous tire ma révérence. Rentrez chez vous, réfléchissez. Et tout le reste est silence.